بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on va parler de Munasaba, de l'occasion, on va parler de, en premier, de l'histoire de Ibrahim avec son fils, alayhi salam, ce qu'on va commémorer demain lorsqu'on va sacrifier le jour de l'Adha. Après on va finir sur les règles de l'Adahi, et si on a le temps on fera les règles de Salat al-Eid, bab Salat al-Eidain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. الله سبحانه وتعالى يجي دونك du nombre de ses coreligionnaires, de sa shi'a, de son groupe, était Ibrahim. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, et quand il dit à son père, à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ?» قال القرطبي وابن كثير والبغوي في تفسيره قوله تعالى وإن من شيعته إلى إبراهيم قال ابن عباس أي من أهل دينه. Il faisait partie de son groupe puisque juste avant, il parlait de Nuh alayhi salam, c'est-à-dire des gens de son din. Wa qala mujahid e ala minhajihi wa sunnatihi. Il était sur sa voie et sur sa sunna. Qala al-Qurtubi idh jaa rabbahu biqalbin salim ay mukhlisun min ash-shirk wa ash-shak. Ibrahim, il avait un cœur saint, il était exempt de deux choses. Il nous a dit al-Qurtubi, il était exempt de shirk, d'association à Allah, il était exempt de shak, il était exempt de doute. Wa qala ibn Kathir idh jaa rabbahu biqalbin salim qala ibn Abbas يعني شهادة أن لا إله إلا الله. Il est venu avec un cœur saint, le cœur saint. Ibn Abbas, il dit, c'était le témoignage que nul n'est digne d'être adoré sauf Allah. وقال السعدي من الشرك والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به. السعدي, il a dit, il était exempt de shirk, il était exempt de shahawat, de shubah, c'est-à-dire de shubuhat, d'ambiguïté, et de shahawat al-mani'a min tasawwur al-haq wal-'amal bihi. Cette parole de Saadi, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il était exempt de deux choses, al-shubah wa al-shahawat. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit dans Iras Tal-Lahafan que la fitna, elle est de deux sortes. La tentation de l'homme est de deux sortes, fitnat al-shubuhat wa fitnat al-shahawat. Et ici, nous dit Saadi, al-mani'a min tasawwur al-haq, al-shubuhat, elles empêchent de se représenter al-haq. Les shubuhat, elles empêchent de connaître al-haq. Et al-shahawat, les passions de ce bas monde en général, al-farj, al-batn, etc., etc., elles empêchent de quoi? Elles empêchent l'amal. Elles empêchent l'amal. Elles empêchent d'agir selon le haq. Donc il y a deux sortes, deux choses qui s'opposent à du fait que l'homme, il rentre au paradis, il suit la vérité, il agit, c'est quoi? Al-shubuhat, qui empêche de connaître le haq, et al-shahawat, qui empêche d'agir selon le haq une fois qu'il a été connu. Wa qala ibn Kathir, وقال ابن كثير رحمه الله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Lorsqu'il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد. Il leur a reproché, il s'est opposé à eux dans l'adoration des idoles et de l'أنداد. ولهذا قال إفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فما ظنكم برب العالمين, que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Qatada, parmi les tabi'in, il dit, يعني, dans Tafsir al-Kathir, ma dhannukum bihi annahu fa'ilun bikum idha laqitumuhu qad abadtum ghayruh. Que pensez-vous de lui? Qu'est-ce qu'il va faire de vous alors que vous allez le rencontrer, alors que vous avez adoré un autre que lui? Iyadan billahi ta'ala. Ensuite, il continue l'histoire d'Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. Donc ce qui signifie les versets que j'ai cités. Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles, et dit, je suis malade. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit, ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant et lui dirent, adorez-vous, et leur dire, pardon, Ibrahim alayhi salam, adorez-vous ce que vous-même vous sculptez alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Wa ja'alnahum al-akhsarin, c'est d'eux que nous avons fait les pères d'Aqal. Qurtubi, yuqal ar-rajul idha fakara fi shay yudabbiruhu nadhara fi an-nujum. Donc il dit, la traduction de dire il a regardé les étoiles, c'est pas il a regardé les étoiles, c'est une expression en arabe, fa nadhara fi an-nujum, qui signifie, si une personne y pense à quelque chose qui réfléchit, on dit nadhara fi an-nujum en arabe. Qal ibn Kathir, arada inni saqim ay marid al-qalb min ibadatikum al-awthan min dunillahi 'azza wa jalla. Parce qu'il a dit je suis malade, il a voulu dire Ibrahim alayhi salam que ça le rendait malade que son peuple ils adorent d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils adorent les idoles. Et c'est ça qu'il ressent le mouahid lorsqu'il voit les gens à notre époque qui se sont précipités vers toutes les formes de shirk, le shirk dans l'invocation, le shirk dans l'obéissance à la législation, le shirk dans l'alliance et le désaveu. Tout cela, ça le rend malade et il cherche qu'une chose, c'est soit à se séparer d'eux, soit à les détruire, ces gens-là qui adorent d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qal Qurtubi, faragha alayhim darban bil yamin, khassa ad-darbu bil yamin, liannaha aqwa wa ad-darbu biha ashad. Pourquoi il a dit Allah azza wa jal et que Ibrahim les a frappés avec la main droite, et le Qurtubi il a dit avec la main droite parce qu'elle elle tape plus fort et que lorsqu'il frappe il fait plus mal, et c'est la parole de Dahak et de Rabi' ibn Anas parmi les élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. قلت وتكسير الأصنام وتدميرها من سنن الأنبياء هو واجب على كل موحد مع القدرة. Et on voit ici un des enseignements, et c'est ce qu'on fait, on tire les enseignements de cette histoire, qu'ici le fait de briser les idoles des mouchriquines et de les détruire, ça fait partie des pratiques des prophètes, alayhi salam, et c'est une obligation pour tous les mouahidines, pour tous les monothéistes purs, lorsqu'ils en ont la capacité. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وتالله إلى أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Et après, فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم إلا كبيرا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Puis il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. وقال عن موسى, ça c'est à propos d'Ibrahim alayhi salam, il a brisé les idoles de son peuple. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait au veau d'or lorsqu'il dit وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Regarde ta divinité que tu adorais avec assiduité, il dit ça au Samiri qui a fait adorer l'ijl à Ben Israël, qui a fait adorer le veau d'or au fils d'Israël. Il dit regarde ta divinité que tu adorais avec assiduité, nous la brûlerons certes et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. ثم لنسفنه في اليم نسفا. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال صلى الله عليه وسلم أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان ويوحد الله لا يشرك به شيء. Et dans صحيح مسلم, dans le long hadith de عمرو بن عبسة, c'est un hadith qui a beaucoup d'enseignements, qu'il a expliqué Cheikh Ibn Abdul Wahhab au début de Mufid al-Mustafid fi Kufr Tarik al-Tawhid. Il dit à عمرو بن عبسة, il lui dit lorsqu'il lui a demandé avec quoi Allah il t'a envoyé au tout début de la révélation alors qu'il était mustadaf. À l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était caché à Mecca. Il lui dit il m'a envoyé avec le fait de maintenir les liens de parenté, deuxième avec le fait de briser les idoles wa kasr al-awthan wa yuwahhad Allah la yushraku bihi shay, et que pour unifier Allah et que rien ne lui soit associé. Ça veut dire que dès le début de sa révélation le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé avec le fait de briser les idoles comme son père Ibrahim, comme son frère Moussa alayhi salam. Wa qala ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala wa la yajuzu ibqa'u mawadi' ash-shirk wa at-tawaghit ba'd al-qudrati 'ala hadmiha wa ibtaliha yawman wahida fa innaha sha'a'ir al-kufr wa ash-shirk wa hiya a'zam al-munkarat fi mukhtasar zad al-ma'ad safha 95 ou 100. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il n'est pas permis de laisser les endroits du shirk et les tawarit alors qu'on a la capacité de les détruire sans les annuler ne serait-ce qu'un jour, car ils sont les pratiques de la mécréance et du shirk, et c'est le plus, et tout cela est le plus grand mal dans Mukhtasar Zad al-Ma'ad. Ça veut dire qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est une fatwa de sa part, comme quoi on n'a pas le droit de laisser dans les endroits par exemple que les mujahidines dont les mujahidines font la conquête, on n'a pas le droit de laisser les lieux de shirk, on n'a pas le droit de laisser les tombes adorées en dehors d'Allah, on n'a pas le droit de laisser les mosquées chiites, on n'a pas le droit de laisser les tribunaux ou les gens associés à Allah Azza wa Jal en prenant le jugement d'une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait son peuple? C'est un autre enseignement. Lorsque Ibrahim a.s. il a brisé leurs idoles, Allah il dit Azza wa Jal, قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قال ابن كثير فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابن كثير رحمه الله il dit quand Ibrahim a.s. il aura établi la preuve sur eux, même s'ils étaient mouchriquins avant la preuve, comme c'est connu dans le Coran et la Sunna, lorsqu'il a établi la preuve sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait les mouchriquins? Est-ce qu'ils lui ont dit « Ah, jazakallah khair Ibrahim, c'est bon, franchement tu nous as montré que nos idoles elles étaient battées là, on va te construire un palais, on va te donner une place à la télé pour que tu enseignes la religion sur les chaînes religieuses de notre pays ?» Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans le feu. Et c'est exactement ce qu'ils font les mouchriquins avec tous les gens qui viennent avec al-haq. Tous les gens de l'batil, avec les gens qui viennent avec al-haq, qu'est-ce qu'ils leur font? Ils essayent de construire un feu et de le jeter dedans comme ils ont fait à Ibrahim alayhi salam. Wa bihadha tadhhar sunnatun ukhra min sunan al-anbiya wa hiya sunnatul ibtila. Et avec cet enseignement-là, on voit qu'il vient un autre enseignement parmi les histoires des prophètes. Et lisez-les, c'est quoi? C'est que la sunna de l'ibtila, de l'épreuve. Toute personne qui vient avec la voix des prophètes, il faut qu'il soit éprouvé, tout comme les prophètes sont venus. Soit il est éprouvé par les kofars, soit il est éprouvé par l'hijran, soit il est éprouvé par le jihad, soit il est éprouvé par maut al-ahbab, par les bien-aimés qui meurent, soit il est éprouvé. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا. Et ceux qui ont mécrit dire à leurs messagers, c'est-à-dire c'est une généralité ici, nous vous expulserons certainement de votre territoire, à moins que vous ne reveniez dans notre religion. Il dit Subhana innahum yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. C'est dans sourate Al-Kahf, il dit quoi? Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. Ça veut dire que c'est une sunna, c'est une règle d'Allah établie dans sa création entre le haq et le batil, comme quoi si le haq y vient, les gens de le batil ils veulent soit les lapider, soit les expulser. Wa qala ta'ala wa yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka wa yaqtuluka wa yukhrijuk. Et rappelle-toi, ô Mohammed, le moment où les mécréants ont comploté contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ça c'est le jaza de khayru khalqillahi alayhi salatu wa salam, la meilleure des créatures, voilà ce que son peuple a voulu faire. Trois choses. Liyuthbituk, pour t'emprisonner. Ou yaqtuluk, ou yukhrijuk, t'assassiner ou te bannir. Wa qala ta'ala wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Or ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et ça c'est général. Ne vous demandez pas pourquoi aujourd'hui les juifs, les chrétiens, les murtaddin, al-saoud, les savants, etc. ils sont tous contre l'état islamique. Tout simplement parce que Allah Azza wa Jalla il a fait que c'était comme ça. Depuis la création, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à notre époque c'est comme ça. Ensuite il dit dans la suite de l'histoire d'Ibrahim avec son fils, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin. Et il dit moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera, subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Avec tous les sacrifices qu'il a fait Ibrahim alayhi salam, haqiqun alayhi an yahdihi Allah azza wa jal, il a raison d'espérer la guidé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Rabbi habli min as-salihin. Ça, c'est la dua d'Ibrahim alayhi salam. Comment il a répondu à cette dua, on va le voir. قال القرطبي هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة. Ce verset-là, c'est une base dans l'obligation de l'hijra et de l'uzla. L'uzla, c'est quoi? Le fait de se séparer des mouchriquins de Ahl al-Batil. Wa awwal man fa'ala dhalik Ibrahim alayhi salam. Le premier qui a fait l'hijra, c'est Ibrahim alayhi salam. Donc, quand Allah Azza wa Jal dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Si ensuite nous avons révélé de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam, il ne parle pas seulement du tawhid, même si c'est l'élément le plus important. Et du fait de renier le shirk et de renier les mushrikins comme il a fait Ibrahim alayhi salam. Il a renié d'abord les mushrikins avant de renier le shirk. Et ensuite, Ibrahim alayhi salam, on le suit aussi dans ce asl azim. Le fait qu'il ait brisé les idoles. Mohammed sallallahu alayhi salam, il a brisé les idoles. Le fait qu'il a été le premier à faire le hijra. Et Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi salam, il a fait le hijra. Et on continue à suivre la sunna des deux imams, Ibrahim alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa salam. وذلك حين خلصه الله من النار. Lorsque Allah Azza wa Jalla a sorti Ibrahim du feu, il a fait l'hijra, il s'est séparé de son peuple. قال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر من بلد قومي ومولدي لحيث أتمكن من عبادة ربي. Lorsqu'il dit moi je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit le Qurtubi, je fais le hijra, je suis un muhajir, je suis un immigrant, je quitte le pays de mon peuple et l'endroit où je suis né pour aller vers un endroit où je pourrai adorer mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement ce que font les gens à notre époque. Nasallahu yatimma alayna an-ni'ma sayahdin fi ma nawaitu ila as-sawab. Qala المقاتل وأول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام. مقاتل يدي parmi les savants des tabi'in dit le premier qui a fait l'hijra c'est lui, c'est Ibrahim avec Lot son neveu et Sarah sa femme, et il a émigré vers quoi? Vers l'Ard al-Muqaddasa, et c'est la terre du Sham. Donc même l'hijra au Sham c'est une sunna d'Ibrahim alayhi salam. Même l'hijra au Sham, c'est une sunna d'une sunna d'Ibrahim a.s. Deux sunna, l'hijra vers le pays, l'ard al-mubaraka, l'ard al-muqaddasa, la terre sainte, c'est-à-dire la terre du Sham. Qala ibn Kathir, Rabbi habli min as-salihin, il dit fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Ya'ni awlad al-muti'in, iwadan min qawmi wa ashiratihi alladhina faraqahum. Ibn Kathir dit donne-moi un pieux, ça veut dire quoi? Donne-moi des enfants qui seront obéissants. En échange de mon peuple, de ma tribu, ou en échange de son peuple, de sa tribu dont il s'est séparé. وَمَنْ تَرَكَ شَيْءًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنَهُ. Ibrahim a.s. il a laissé son peuple, comme vous avez laissé vos terres, comme vous avez laissé vos familles, comme vous avez laissé vos biens, vous les avez laissés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il va vous donner mieux. Allah, il va vous donner mieux, soit dans vos cœurs, soit carrément sur la terre, en fonction du sabre de chacun d'entre vous. Comment ça s'appelle? Allah il a ordonné à Ibrahim de quitter son peuple et en échange il lui a donné quoi? Deux fils. C'est qui ses fils? Ismaïl. De sa descendance sont sortis tous les Arabes et donc sont-ils le meilleur des prophètes, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a donné un deuxième fils de sa femme Sarah qui est Ishaq alayhi salam. De Ishaq est sorti Yaqub. De Yaqub est sorti, de la descendance de Yaqub sont sortis tous les prophètes de Bani Israël. Depuis Yaqub alayhi salam jusqu'à Isa ibn Maryam, peut-être des milliers, c'est sûr même des milliers de prophètes, si on se base sur le hadith de Mousnad, où il y a 100 000 prophètes, des milliers de prophètes sont descendus de la descendance, sont sortis de la descendance d'un seul homme, c'est-à-dire Ibrahim a.s. Tous les prophètes de Bani Israël, les rois, Daoud, Suleyman a.s., les guerriers comme Moussa, comme les autres, Daoud, Suleyman aussi et d'autres, tous ils sont sortis de la descendance d'Ibrahim a.s. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Nous lui donnâmes la bonne nouvelle d'un garçon halim, doux. وَهَذَا الْغُلَامُ هُوَ إِسْمَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Cet enfant ici, c'est Ismaïl. Contrairement aux juifs et aux chrétiens qui ont falsifié leur livre, Torah, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et qui disent que cet enfant, c'est Ishaq. Et même dans leur livre, il y a un moyen de leur montrer que c'est une falsification. Il y a un moyen de leur montrer que c'est une falsification. Al-Muhim, on ne va pas développer ce point-là, même s'il a été développé par les savants. Il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sur cette question-là dans Zad al-Mu'ad, « Amma al-qawlu bi-anna ishaq fa-batilun bi-akthar ma-ishirin wajha. Wa sami'tu Sheikh al-Islam Taymiyyah qaddasallahu ruha yaqul, hadha al-qawl innama huwa mutalaqqa an ahli al-kitab, ma'annahu batil bi-nass kitabihim. Fa-inna fihi inna Allah amara Ibrahim yadhbaha ibnahu bikrah. » Ibn al-Qayyim, rahimallah, il rapporte la parole de son cheikh Ibn Taymiyyah. Il faut savoir qu'Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, ils étaient parmi les savants, ils connaissaient extrêmement bien les anciens livres, c'est-à-dire la Torah et les évangiles. Et ils connaissaient très très bien. Parce qu'Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle Minhaj al-Jawab al-Sahih, la réponse authentique, celui qui a changé, à celui qui a changé la religion du Messie, dans lequel il répond aux chrétiens. Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre dans lequel il a rassemblé les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Ibn Qayyim, d'abord, il dit le fait de dire que ce fils-là, le fils que Ibrahim il a voulu sacrifier, c'était Ishaq, c'est batel de plus de 20 manières. Ibn Taymiyyah, il a dit, rahimallah, c'est même batel dans leur livre. Pourquoi? Parce que dans le livre des Juifs et des Chrétiens, il y a écrit comme quoi Allah a ordonné à Ibrahim de sacrifier son fils unique. Et ça, c'est dans leur livre. Et ensuite, ils mettent Isaac. Mais son fils unique, ça ne peut pas être Isaac, puisque eux, ils admettent dans leur livre qu'il a eu un fils en premier qui s'appelait Ismaïl. Donc le fils unique, ça ne peut être que Ismaïl, avant que Ishaq naisse. Donc même dans l'Ancien Testament, on sait que, comment ça s'appelle, ça a été une falsification qu'ils ont rajouté. Isaac, juste après, unique, parce que le fils unique d'Ibrahim, ça ne peut être qu'Ismaïl, puisque Ismaïl, entre la naissance d'Ismaïl et Ishaq, il y a plusieurs années. L'essentiel. Filav Wahidu, ou son fils unique. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans l'histoire, فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيْ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, فلما بلغه السعي بلغ معه السعي قال ابن كثير عن شاب وارتحل وطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. Lorsque Ismaïl il a pu accompagner son père Ibrahim alayhi salam dans son travail ou dans sa vie de tous les jours, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où l'enfant il devient le plus aimé à son père. C'est ça qu'il faut prendre comme leçon. Quand l'enfant il est petit, il reste avec sa mère. Mais quand il commence à marcher, à sortir avec son père, c'est à ce moment-là qu'il devient le plus aimé à son père. Qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal ? Ibrahim il s'adresse à son fils et lui dit quoi ? قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Il dit, je me vois en rêve, ô mon fils, je me vois en rêve en train de t'immoler, de te sacrifier, de te couper la gorge. Vois ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'il lui dit son fils? Et qu'est-ce qu'il a dit, pardon, Ubayd ibn Umayr, dans le tafsir ibn Kathir, il dit quoi? Ru'ya al-anbiya wahyun. Quand Allah il envoie un rêve au prophète, ça veut dire quoi? C'est un wahy, c'est un ordre, c'est une révélation. Donc là, il sait Ibrahim. Il a dit, il demande à son fils. Il lui dit, mon fils, je me suis vu en train de sacrifier. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il lui dit Ismaïl? Est-ce qu'il a dit Ismaïl non? Waswasi shaytan abi taqilla non? Non, qu'est-ce qu'il lui a dit? قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Allah, inshallah, Allah il me mettra parmi les endurants, ceux qui patientent. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Voilà comment il a réagi Al-Ibn al-Muwahhid al-Bar lorsqu'il est venu la révélation à son père et il lui a dit, comme il a dit Ibn Kathir, sa'asbiru wa ahtasibu thalika 'inda Allah 'azza wa jal. Je vais patienter et je vais espérer la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال السعدي ستجدوني إن شاء الله من الصابرين أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر وقارن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى. السعدي il a dit que quand il a dit Ismaïl, c'est pour ça que dans le Coran il n'y a pas de mot qui est au hasard. Dans le Coran il n'y a pas de mot qui est au hasard ou quoi que ce soit. Tout est à sa place. Il dit quoi? Tu me trouveras Inch'Allah parmi les patients. Il a dit qu'il serait parmi les patients, mais il a attaché cela à quoi? À la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sans la volonté d'Allah, il n'aurait jamais pu patienter. Il n'aurait jamais pu patienter. Ça ressemble à comme quand Allah dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons le secours. Pourquoi? Nous te demandons le secours, ya Allah, pour que nous puissions t'adorer. Parce que sans le secours d'Allah, tu n'aurais même pas pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crois pas que quand tu t'élèves pour la salat, c'est par ta simple force. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé vers ça, il t'a donné la force et il t'a permis de te lever pour l'adorer. Ya Allah, inna nasta'inu bika fi ibadatika, ya Allah. Il dit subhanahu wa ta'ala dans l'histoire après ça, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqat ar ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin in hadha lahu al bala' al mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, aslama, et qu'il l'eût jeté sur le front, c'est-à-dire il quoi, Il le met comme une bête qui va se faire sacrifier, voilà que nous l'appelons. À ce moment-là seulement, c'est-à-dire il fallait être sûr, Ibrahim il va aller jusqu'au bout, puisque nous l'appelons, il dit, Ibrahim alayhi salam, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants, et c'était là certes l'épreuve manifeste, et nous lui donnâmes la récompense. En échange, en lui donnant une immolation généreuse, et c'est ce qu'on va faire demain, inshallah ta'ala. قال القرطبي وقال ابن عباس. القرطبي rapporte d'Ibn Abbas comme quoi il a dit: لما أمر إبراهيم بذبح ابني عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند جمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى. Ici il y a une مناسبة par rapport au Hajj. Toutes ces choses qu'on est en train de dire, elles sont comment dire, on les refait au moment de l'Hajj. Et en ce moment, le jour de Arafat, à ce moment-là exactement, les gens ils sont en dua, ils sont en train d'invoquer Allah Azza wa Jalla. Ils sont sur le mont Arafat et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au Maghreb. Et ensuite, après le Maghreb, ils vont partir à Muzdalifa. À ce moment-là, Ibrahim alayhi salam, comme il dit Ibn Abbas, lorsqu'il allait sacrifier son fils, c'est-à-dire demain, il allait sacrifier son fils, Shaitan il est venu à un endroit qui s'appelle Jamrat al-Aqaba, les stèles qu'on lapide entre guillemets à notre époque. La première, il est venu à ce moment-là, il a essayé de le tenter, il a essayé de lui faire abandonner la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'il veut de nous, Shaitan. Il vient à chaque jamra et il vient à chaque instant pour nous détourner de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est trop dur, t'as fait le hijra, t'es en danger, les Américains ils vont te bombarder, c'est trop dur, etc. etc. La salat, l'islam, l'obéissance à Allah, l'afaf, le fait de se retenir, de faire zina, etc., etc. Tout ça, c'est trop dur. Shaitan il vient et qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim alayhi salam? Il l'a lapidé sept fois et c'est exactement ce qu'ils font, ce qu'ils feront les gens demain à l'Aqaba pendant trois fois. وَاخْتُلِفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَرَادَ ذَبْحَهُ فِيهِ فَقِيلَ بِمَكَّةِ فِي الْمَقَامِ. Les ulama ils ont divergé sur l'endroit où il a failli sacrifier son fils, il y en a ils ont dit c'est à Mecca, al-Maqam, c'est-à-dire exactement devant la Kaaba, al-Maqam Ibrahim. وَقِيلَ فِي الْمَنْحَرِ بِمِنَا عِنْدَ الْجِمَارِ الَّتِي رَمَى بِهَا إِبْلِيسَ. Certains ils ont dit non, c'est à Mina, c'est-à-dire juste un peu plus loin de Mecca, là où on lapide les stèles, là où les gens ils sont, ils seront demain. Et là où il est le premier jour du Hajj, Yom al-Tarwiyah, le huitième jour de Dhul Hijjah. وقاله ابن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وسعيد بن المسيب. Et ce dernier avis, celui qui a été choisi par les savants des tabi'in parmi Ibn Abbas, etc. etc. قال ابن كثير قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين. Lorsqu'ils se sont soumis à l'ordre d'Allah, et c'est ça l'islam, c'est le fait de se soumettre à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa tallahu lil jabin, et qu'il l'a mis sur le côté, ay falamma tashahada wa dhakara Allah ta'ala Ibrahim ala dhabh wal walad ala shahadat al maut. Imaginez-vous cette scène. À ce moment-là, ils se sont soumis à l'ordre d'Allah et ils se sont rappelés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim il a le couteau dans sa main, son fils il sent qu'il va mourir dans quelques secondes. À ce moment-là, lamma aslama istaslama wa qada Ibrahim imtathala amr Allah wa Ismail ta'ata Allah wa li abi. Ibrahim il s'est soumis à l'ordre d'Allah et Ismaïl il a obéi à Allah et il a obéi à son père. Qalahu Mujahid wa tallahu lil jabin sarahu ala wajhi li yadhbahu min qafa. Il l'a mis de dos pour pouvoir le sacrifier de derrière. Li la yushahid wajha, afin qu'il voit pas son visage, le visage de son fils alors qu'il va le sacrifier. Li yakun ahwan alayh, afin que ça soit plus facile pour lui. Qala Ibn Abbas wa tallahu lil jabin akabahu ala wajhi, il a mis la face vers le sol pour pas pouvoir en plus avoir voir le visage de son fils alors qu'il va le sacrifier. Wa nadaynahu ya Ibrahim qad saddaqat ar-ru'ya. À ce moment-là seulement, Allah Azza wa Jalla lui a fait miséricorde et il l'a appelé afin qu'il puisse pas sacrifier son fils et il lui a dit à ce moment-là t'as accepté ce rêve-là. À ce moment-là, t'as accepté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de sacrifier ton fils. À ce moment-là, il lui a dit, c'est bon. Retiens-toi, t'as pas besoin de faire ça. Il lui a dit, inna kadhalika najzi al-muhsinin. À ce moment-là, on donne la récompense aux pieux. Wa fadaynahu bidhabhin 'azim. Et il a fait descendre un bélier pour le sacrifier. À ce moment-là, c'était sûr qu'Ibrahim alayhi salam, il s'était soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن هذا لهو البلاء العظيم. Et ça certainement c'est la plus grande épreuve que la personne peut faire. Lorsqu'il sacrifie son enfant, lorsqu'il est prêt pour Allah subhanahu wa ta'ala sacrifier son enfant, lorsqu'il met son enfant en danger, que les gens lui disent mais t'es fou, tu vas faire l'hijra, tu vas exposer ta famille à des dangers ou quoi que ce soit, et Allah subhanahu wa ta'ala il fait ça en espérant la miséricorde d'Allah et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en sallam fadli. قال ابن القيم رحمه الله في حكمة هذه القصة وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية بأن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين من بعده. La première sagesse de cette histoire c'est quoi? C'est que Ismaïl alayhi salam c'était son fils unique, c'est donc le fils le plus aimé à ses parents, et Allah Azza wa Jalla il a voulu quand même, il lui a donné l'épreuve, il lui a dit qu'il voulait sacrifier celui-là, il voulait son fils unique. Wa Ibrahim alayhi salam avant qu'est-ce qu'il avait fait? سأل ربه الولد. La dua d'Ibrahim c'est qu'il lui demande un enfant. Il avait eu du mal et sa femme Sarah, elle n'avait pas eu d'enfant pendant très très très longtemps. Et il a dû prendre une deuxième femme, une servante Hajar, pour avoir un enfant. C'est-à-dire qu'Ibrahim, il avait attendu cet enfant pendant longtemps. Et Allah Azza wa Jalla a voulu quand même qu'il sacrifie cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim parmi, parmi les sagesses de cette histoire-là? لَمَّ تَعَلَّقَتْ شُعْبَةٌ مِنْ قَلْبِهِ مِنْ مَحَبَّتِهِ. والله تعالى قد اتخذه خليلا والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة. إبراهيم عليه السلام c'était le خليل d'Allah عز وجل. C'était l'ami intime. Qu'est-ce que c'est le خلّة؟ Al Khalil, c'est la personne qui, il y avait une partie du cœur d'Ibrahim, il était attaché à cet enfant. Il y avait une partie de l'amour qui normalement devait revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il était allé à cet enfant. Donc Allah azza wa jalla lui a demandé de se débarrasser de cette partie d'amour qu'il avait son enfant, le mettant à l'épreuve dans le sacrifice de son enfant, pour être sûr que maintenant il était le Khalil, il fera du tawhid al-mahboub, bil-mahabba, le fait d'unifier celui qui est aimé, c'est-à-dire Allah azza wa jalla, par l'amour seul, sans associé. وَلَا يُشَارِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَلَمَّا أَخَذَ الْوَلَدُ شُعْبَةً مِنْ قَلْبِ الْوَالِدِ جَاءَ غَيْرَةُ الْخُلَّةِ تَنْتَزِعُهَا مِنْ قَلْبِ الْخَلِيلِ. Alors que l'enfant, il avait pris une petite branche de cet amour qui revenait à Allah, ici, le fait que ce soit le bien-aimé intime d'Allah, il a fait preuve de jalousie et il a arraché cet amour de l'enfant pour le rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على إبراهيم. يجي الله عز وجل ابن كثير السعدي يجي dans l'explication de ce verset أبقينا عليه الثناء صادقا في الآخرين. Et à cause de cette histoire là et d'autres de ses manaqib, de ses mérites, Ibrahim عليه السلام, tout le monde se réclame de lui et tout le monde fait son éloge. Les juifs, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, les chrétiens qui ont été égarés par Allah, tout le monde fait l'éloge d'Ibrahim a.s. et tout le monde se réclame de lui. Pourquoi? Parce que personne ne peut remettre en cause qu'il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a répondu à l'ordre d'Allah azza wa jal. Et si on continue le dars pour expliquer quelques règles de fiqh, des règles de, comment ça s'appelle, des sacrifices. Ce qu'on va faire demain, Inch'Allah, on a vu la sagesse de tout ça. Il définit ces sacrifices avant en disant que c'est quoi Shara'an ma yudbahu min al-ibili wal-baqari wal-ghanami wal-ma'z taqarruban ila Allah ta'ala yawm al-eid. C'est ce qui est sacrifié parmi les chameaux, les vaches ou les moutons, ou les chèvres, pardon, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de l'Eid. Et ça ne peut être comme bête que ce que nous avons cité, c'est-à-dire Bahimatul An'am. Hukmuha, le jugement du sacrifice de l'Eid, les ulémas ils ont divergé, mais la vie le plus juste c'est qu'il est sunna mu'akkada. C'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé. Et ce n'est pas une obligation. Comme il dit Ibn Qudama, rahimahullah, dans le Mughni, rahimahullah ta'ala, أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم عفوا. Il dit Ibn Qudama رحمه الله, la plupart des gens de science voient que l'Udhiyya est une sunna et c'est la vie d'Abu Bakr, de Omar, de Bilal, d'Abu Mas'ud al-Badri رضي الله عنه. Et certains ulémas ont vu que c'était obligatoire, mais on a vu qui nous a précédé parmi les compagnons du prophète, particulièrement les deux califes, dans le fait que c'est une sunna mu'akkada. Wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés qui viendront après moi, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Et Shawkani rapporte d'Ibn Hazm qu'il dit la sihhu an ahadi min as-sahaba annaha wajiba wa sahha annaha وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين في نيل الأوطار المجلد الثالث. ابن الشوكاني rapporte d'Ibn Hazm qu'il a dit et il n'est pas établi ne serait-ce que d'un compagnon qu'elle est obligatoire, c'est-à-dire personne parmi les compagnons n'a dit qu'elle était obligatoire, donc il n'y a pas de divergence parmi les compagnons qu'elle est sunna. Elle a des conditions شروط مشروعة الأضحية. Les conditions sont au nombre de trois. الإسلام فلا يخاطب بها غير المسلم. La première condition c'est que la personne soit musulmane. La deuxième, البلوغ والعقل, le fait que la personne soit pubère et qu'il soit doué de raison. فلم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها. Ce sont شروط التكليف, les conditions de la responsabilité dans notre sharia. ثالثا الاستطاعة, la capacité. وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته. خلال يوم العيد وأيام التشريق. La capacité c'est quoi? Elle est établie lorsque la personne il a le prix du sacrifice en plus du prix de sa nourriture à lui ou des besoins, de ses besoins à lui et des besoins de sa famille le jour de l'Eid et les trois jours après. Vous avez compris? Si une fois cette chose il est là, ça devient akad, ça devient vraiment important et établi de faire cette sunnah. S'il a les besoins pour lui et pour sa famille le jour de l'Eid et les trois jours qui suivent, c'est-à-dire ayam, at-tashriq et bien sûr le prix de l'udhiya. Il est permis, ou ce qu'il est permis de sacrifier ce jour-là, on l'a déjà dit, c'est l'ibil, al-baqar ou al-ghanam. L'ibil, les chameaux, al-baqar, les vaches, al-ghanam, wa minhu al-ma'iz. Les ghanam, c'est un nom général qui englobe ce qu'on appelle en français les ovins, c'est-à-dire les moutons, les chèvres, etc., etc. Il sort de ça, bien sûr, les volailles. قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقكم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يا الله تعالى جي à chaque communauté nous avons donné un mansak, un rite afin qu'il rappelle le nom d'Allah sur ceux qu'il leur a pourvoyé comme بهيمة الأنعام. Le بهيمة الأنعام, c'est ce qu'on vient de citer, les trois espèces qui viennent être citées. وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وعن أهل بيته. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فأكلون ويطعمون رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. Il dit, Abu Ayyub, il rapporte que l'homme, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il sacrifiait un mouton pour lui et pour les gens de sa maison. Il mangeait et ils en donnaient. Il est permis de sacrifier un chameau pour 7 personnes et une vache aussi pour 7 personnes. Les hadiths de Jabir radiallahu anhu قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7 رواه مسلم في صحيحه. Et Jabir rapporte dans Sahih Muslim, nous avons sacrifié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'année de l'Hudaybiyah une chamelle pour 7 personnes et une vache pour 7 personnes. Ash-shurut al-mu'tabaratu fil udhiya, les conditions à respecter pour la bête du sacrifice. As-sin, d'abord l'âge, il y a un âge prescrit ou précis. Alif al-ibil, yushtaratu an yakuna qad akmala 5 sinin, il faut que le chameau il ait minimum 5 ans. البقر يشترط أن يكون قد أكمل سنتين. La vache, elle doit avoir minimum 2 ans. والمعز يشترط أن يكون قد أكمل سنة. En ce qui concerne la chèvre, elle doit avoir au minimum 1 an. لحديث جابر رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والحديث رواه مسلم في صحيح. جابر rapporte que le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ne sacrifiez qu'une bête âgée. Sauf si cela vous est difficile, alors vous pouvez sacrifier une jada'a min ad-da'an. Al-musinna, le terme musin en arabe, il signifie ce qu'on vient de préciser, c'est-à-dire minimum 5 ans pour un chameau, minimum 2 ans pour une vache, minimum 1 an pour une chèvre. Et on l'appelle aussi al-thaniya, à cause de la dent qui sort à ce moment-là. Dal al-da'an, yushtaratu fihi jada' wa huwa ma akmala sana. En ce qui concerne les moutons, il faut qu'elle ait minimum 1 an. C'est ce qu'on appelle al-jada'. Wa qila 6 ashhur. Et certains éléments, ils ont dit elle peut avoir 6 mois. C'est-à-dire maximum vraiment 6 mois à cause du hadith d'Uqbat ibn Amr, qala qultu ya Rasulallah asabani jada', qala dahhi bih. Il est venu, Uqbat ibn Amr, et il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, il a dit, j'ai eu un jada', c'est-à-dire j'ai pu, entre guillemets, acheter, ou je n'ai trouvé qu'un jada', c'est-à-dire 6 mois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, sacrifie-la, dans le Bukhari ou Muslim. Et c'est rapporté aussi directement de Fi'li, dans Sunan al-Nasa'i, et ça a été, il y a divergence sur son authenticité de ce hadith, al-Muhim, hadith d'Uqbat ibn Amr. Thaniyan, as-salama. يشترط في الإبل والبقر والغنم يكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصا في اللحم ولا تجزئ العشفاء والعرجاء والعوراء والمريدة لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونذكر الحديث. Il faut qu'elle soit exempte d'imperfection, particulièrement les imperfections qui feront qu'elle aura peu de viande, qu'elle aura peu de viande. Et on va voir, la sunna, c'est istismanu al-adahi, comme c'est rapporté des salaf. C'était d'engraisser les bêtes pour l'Eid et de sacrifier des bêtes grasses et belles. Donc il est interdit de sacrifier une bête, comme il est venu dans le prophète, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit il y a quatre choses qui ne passent pas entre guillemets, qui ne sont pas valables pour le sacrifice. Al-awra, al-bayinu awaruha, celle qui est borgne de manière évidente. Wal-maridatu, al-bayinu maraduha, celle qui est malade de manière évidente. Wal-arja, al-bayinu arajuha. Ils traduisent comme ceci, quatre bêtes ne sont pas permises pour l'immolation, celle qui est visiblement borgne, malade, boiteuse, ou si vieille qu'elle n'a plus de moelle. Ce hadith, il est rapporté par Al-Khamsa, wa sahahahu al-Tirmidhi, il est rapporté par l'imam Malik, dans le Muwatta, et il est authentique. Et certains ulémas, ils ont utilisé le qiyas. Et ils ont dit wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'a ma fi ma'na. Et ils ont comment ça s'appelle, ils ont ramené d'autres choses. Par exemple, Ibn Qudama a dit dans Umdat al-Fiqh wa la tujzi al-adba'u allati dhahaba akthar qarniha aw udhunuha. Il dit celle qui a une corne qui est complètement ou presque complètement coupée ou qui a une oreille presque complètement coupée. Il est permis par contre, comme il a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa tujzi'u al-jamma'u al-batra wal-batra wal-khasi wa ma shaqat udhunuha wa aw khariqat aw quti'a aqallu min nisfiha. Il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, il est permis une bête qui a par exemple l'oreille coupée, qui a la queue coupée, pardon, qui a la queue coupée, qui est comment on appelle ça, castré, pour un bélier qui est castré, parce qu'en général, ça permet que la viande soit, d'ailleurs il est castré pour cela, que la viande soit plus importante. Le temps où on sacrifie, où les sacrifices sont sacrifiés. Elle commence l'heure après la salat de l'Eid. وبعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار من التسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها. Ça c'est pour celui qui a fait la prière de l'Eid. Et on va voir que la vie le plus juste parmi la vie des ulémas, c'est que la prière de l'Eid, elle est fard ayn, elle est une obligation individuelle, contrairement à ce que disent beaucoup de savants qui disent qu'elle est fard kifaya. La salat de l'Eid, elle est fard ayn, et les ulémas ont même divergé pour savoir si elle était fard ayn pour les femmes ou pas. C'est un des avis d'Ibn Taymiyyah. Il dit, donc, à partir du moment où la salat de l'Eid est faite, une personne, admettons, qui serait seule dans un désert, qui n'a pas fait la salat de l'Eid, parce qu'il n'y a pas le nombre, parce que la plupart des ulama rapportent le nombre, comme le Jumu'ah, comment ça s'appelle, il attend un peu le temps que la salat de l'Eid passe, et il peut sacrifier à ce moment-là. Les hadiths, il bara ibn Azib, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salla salatana, ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعيد مكانها أخرى متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bara ibn Azib, celui qui prie notre prière et qui sacrifie notre sacrifice, il est en accord avec nos rites. Quant à celui qui sacrifie avant de prier, qu'il resacrifie après la prière ou qu'il l'en sacrifie une autre. C'est dans le Bukhari ou Muslim. Et son temps est fini lors du Maghreb du troisième jour de Tashriq. Il y a le jour de l'Eid et après il y a trois jours qu'on appelle Ayam al-Tashriq. Ces jours de Tashriq, c'est les jours où ils faisaient sécher la viande à l'époque du Prophète. C'est pour ça qu'il s'appelle Tashriq. D'accord ? C'est trois jours après l'Eid, les gens ils reviennent après avoir fait le jour de l'Eid, après avoir sacrifié, avoir fait ramener le jimar, avoir fait tawaf al-ifada, le tawaf au moment de l'hajj, et s'être rasé la tête, ils reviennent à Mina et ils dorment à Mina pendant 2 à 3 jours. Pendant ces 2 à 3 jours, ils lapident les 3 stèles. À ce moment-là, c'est Ayam al-Tashriq. Pendant ces 4 jours, Eid, plus 3 jours d'Ayam al-Tashriq jusqu'au Maghreb, il est permis de sacrifier. C'est-à-dire, si la personne ne trouve pas de mouton demain, elle peut le faire après demain, etc. etc. C'est pour ça que je disais aux frères, c'est pas pressé. ويستمر قلنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي بن حبان قال الهيثمي ورجال أحمد وغيره ثقات في مجمع الزوائد سو حديث لدى أحمد كون قالوا بخوفات صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح tous les jours de التشريق sont des jours de sacrifice والأفضل مع ذلك ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد. Mais le mieux c'est de les sacrifier juste après صلاة العيد. Et c'est la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Al-Bara ibn Azib, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبدأ به أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. Et il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, la chose que nous faisons dans ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'Eid, c'est que nous prions. Ensuite, nous retournons chez nous et nous sacrifions. Celui qui fait ça, il est en accord avec la sunna. Celui qui a sacrifié avant la prière, ce n'est que de la viande qu'il a amenée à sa famille. Et cela ne fait pas partie du rite. Ça ne fait pas partie de l'adha. Al-masalatul khamisa, ma yusna'u bil-udhiyah. Et qu'est-ce qu'il fait la personne une fois qu'il a sacrifié ? يُسَنُّ لِلْمُضَحِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ. Il est sunna de manger de son sacrifice, c'est-à-dire de ne pas en faire sadaqa totalement, mais d'en manger. وَيَهْدِي لِلْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ وَالْأَصْدِقَاءِ. Et il en offre à ses proches, à ses voisins et à ses amis. وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ. Et il fait de l'aumône aux pauvres. Comme il dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hajj, فَكُلُوا مِنْهَا وَطَعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Mangez-en et nourrissez-en le pauvre. واستحب ويجعلها أثلاثا. Et il est sunna d'en faire trois parties. Comme il est venu d'Ibn Abbas, c'est venu dans ce athar, il est souvent cité dans le livre de Fiqh Hanbali, parmi lequel Al-Udda, Sharh Al-Umda, parmi lequel Al-Mughni, parmi lequel d'autres livres, comme quoi Ibn Abbas il a dit sur Fisifati Udhiyati Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la description des sacrifices du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ibn Abbas, wa yut'imu ahla bayti thuluth wa yut'imu fuqara'i jiranihi thuluth wa tasaddaqu ala su'ali bi thuluth akhrajahu al-hafidh Abu Musa fil wadha'if wa hassana. Il dit, il a donné aux gens de sa famille le tiers, il faisait manger les gens de sa famille le tiers, il a donné le tiers aux pauvres parmi ses voisins, et il faisait sadaqa aux gens qui mendiaient du tiers. ويجوز ادخار اللحوم من الأضاحي بعد ثلاثة أيام. Et il est permis de stocker et de conserver la viande des sacrifices au-dessus de trois jours à cause du hadith de Buraida radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est dans Sahih Muslim, كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم من الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une abrogation ici en Nasr. Il dit, je vous avais interdit de garder ou de de stocker la viande de l'adahi au-dessus de trois jours. Maintenant, gardez-la autant que vous le voulez. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, de manière résumée, alhamdulillah, de manière résumée, je fais les règles de l'Eid. La première chose, pourquoi on appelle l'Eid Eid ? قال ابن مفلح سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. العيد أنا أقول العيد parce que يعود il revient chaque année, c'est pour ça qu'on dit عيد. وصلاة العيد les savants du مذهب de l'imam أحمد رحمه الله dit وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون سقط مع من أهل المصري سقطت عن سائرهم من أهل المصري سقطت عن سائرهم بدليل قوله سبحانه فصلي لربك وانحر. Il est rapporté l'imam Ahmed comme quoi Salat al-Eid al-Fard al-Kifaya, c'est une obligation générale pour les gens en général. Si jamais 40 personnes dans un pays, dans un endroit, une ville, quoi que ce soit, accomplissent cette salat, les autres ne sont pas obligés de la faire. Mais il est rapporté de l'imam Ahmed comme quoi wa anhu fard ayn ikhtarahu Sheikh Taqiyuddin ibn Taymiyyah. Il dit, mais il est rapporté de l'imam Ahmed, et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, comme quoi c'est une obligation individuelle de prier la salat de l'Eid. Tout cela, ça repose sur un hadith. La preuve, c'est un hadith qui est rapporté dans les deux sahih, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فاعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها، رواه الجماعة، وليس للنساء فيه أمر الجلباب. المهم أم عطية رابورت le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a ordonné, c'est pour ça qu'ils disent que c'est fardain, nous a ordonné, il a ordonné à qui? Aux femmes de sortir les femmes le jour de l'fitr et de l'adha, al-awatiq, al-huyat, même les femmes en état de menstru. Elles sortent au musalla, yashhadna al-khayr wa da'wat al-muslimin, pour être témoin du bien et des invocations des musulmans pendant la salat. Et carrément une des femmes lui a dit, ô messager d'Allah, l'une d'entre nous n'a pas de djilbab, l'une d'entre nous n'a pas de djilbab, comment peut-elle faire pour sortir? Elle dit que sa sœur la prenne sous son djilbab, c'est-à-dire le djilbab était suffisamment large pour que deux femmes puissent rentrer sous le même djilbab. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, etc., etc., et l'imam Ahmed et d'autres, et c'est l'une des preuves, l'une des plus fortes preuves de l'obligation de l'Eid. الشوكاني يلدي dans son livre الدرار المضيع على page 86 وقد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أو لا والحق الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها. Il dit à Shawkani, les ulama ont divergé pour savoir si la prière de l'Eid était une obligation ou pas, et ou la vérité plutôt, c'est l'obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé. Al-Mulazama, c'est une des preuves d'obligation chez certains ulama. Et il nous a ordonné en plus de sortir Al-Eid. Et on l'a vu dans le hadith, il a même ordonné aux femmes. Wa awwal waqtuha, c'est Ibn Qudama ici, j'explique Umdat al-Fiqh d'Ibn Qudama pour que ça aille plus vite. Wa awwal waqtuha min irtifa' al-shams ila al-zawal. Et le début de l'heure de Salat al-Eid, c'est depuis que le soleil s'est élevé, c'est-à-dire après le shuruq, jusqu'à Az-Zawal, jusqu'au zénith, lorsque le soleil il est au milieu. وَالسُنَّةُ فِعْلُهَا فِي الْمُصَلَّى. Et la sunna, comme c'est rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la faire dans le musalla, pas à la mosquée. Ici, à notre époque, ils le font pas dans les musalla, de peur des bombardements. Ils le font dans les mosquées. Et il dit... والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر قال الشارح يعني بهاء الدين لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخيرها توسيع لوقتها. La sunna c'est de quoi? C'est de faire vite salat al-adha, de la faire tôt, d'accord? Et de retarder un peu salat al-fitr. Pourquoi? Parce que l'adha, il faut la faire vite parce qu'après les gens, il faut qu'ils sacrifient, etc., etc. De même pour le jour de l'Hajj, le jour de l'Eid, c'est l'un des jours les plus chargés. C'est là où on a le plus de choses à faire. Il faut sacrifier, faire rami, aller faire tawaf, faire le sa'i, etc., etc. Tout ça, ça prend longtemps avec des millions de personnes qui veulent tous faire la même chose en même temps. Et ta'khir al-fitr, de retarder le fitr. Pourquoi? Parce qu'il y a la zakat al-fitr à payer. Il dit wa sunnatu wa yusannu al-fitr fi yufitru fi al-fitr khasatan qabla as-salah lil hadith. Il dit, et il est sunnah de quoi? De rompre son jeûne, c'est-à-dire de manger avant la salat al-fitr, pour être sûr d'avoir rompu le jeûne ce jour-là, contrairement à l'adha, où il est mieux de retarder le fait de manger, et de manger de l'adhiya après le sacrifice. Et il est sunnah ce jour-là de faire le ghusl, de se nettoyer et de se parfumer. ابن القيم رحمه الله تعالى يلدي زاد المعاد وكان يغتسل في العيدين صح الحديث فيه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم faisait le ghusl le jour des deux عيد. Et c'est rapporté en ce qui concerne le hadith مرفوع الله أعلم sur l'authenticité. Il y a deux hadiths ضعيف. Par contre, c'est rapporté des sahaba de manière authentique. ثبت عن ابن عمر comme il a dit ابن القيم رحمه الله ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة. Et il est établi que ابن عمر il faisait le ghusl alors qu'il était très dur dans le fait de suivre la sunna, il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses faits et gestes comme c'est connu, c'est rapporté dans Zad al-Ma'ad et dans Musannaf Ibn Abi Shayba. Wara Ibn Abi Shayba fil Musannaf qawl Ali radiyallahu an al-ghusl yawm al-adha wa yawm al-fitr, et c'est rapporté de Ali al-Khalifa al-Rashid Abu al-Hasan radiyallahu anhu arda, comme quoi le ghusl doit être fait le jour de l'adha et le jour de l'fitr, toujours dans Musannaf Ibn Abi Shayba. ويستحب ويكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير ويروى عن ابن عمر كما في المغني. Et il est recommandé de quoi? De dire Allahu Akbar lorsqu'on va à l'Eid, et de le dire à voix haute, et cela est rapporté de Ibn Umar comme c'est rapporté dans le Mughni. فإداء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق رواه البخاري. Lorsque le Jabir rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il sortait à l'Eid, il prenait une autre route pour rentrer chez lui, خالف الطريق. Ils ont dit المناسبة, certains ulama ils ont dit c'est pour passer le salam à le plus de gens possible. Par une route tu rencontres certaines personnes, par une autre route tu vas rencontrer d'autres personnes à qui tu peux passer le salam et à qui tu peux rencontrer ce jour-là. وإذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. Et lorsque l'heure de la salat rentre, l'imam s'avance et prie deux raka'a sans adhan et sans iqama. Sans adhan et sans iqama. Et comme vous le savez, l'adhan et l'iqama le jour de l'Eid sont des bid'a. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. أبو داود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا prier sans أذان et sans إقامة. يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة الإحرام. La première ركعة c'est 7 تكبير, c'est-à-dire تكبيرة الإحرام et ensuite 6 تكبير, c'est-à-dire le تكبيرة الإحرام il est compté dans les 7 comme c'est rapporté dans les hadiths. وفي الثانية خمسا, tout ça c'est rapporté par Abu Daoud. Et le deuxième c'est quoi? Prie 5 تكبير, pris 5 تكبير, sans compter تكبيرة الانتقال, sans compter تكبيرة الانتقال, c'est-à-dire lorsqu'il dit Allahu Akbar et qu'il se lève, c'est à ce moment-là qu'il fait les 5 تكبير. ويرفع يديه في مع التكبير, وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد, وعن زيد كذلك, رواهما الأثرم في المبدع شرح المقنع. Ibn Muflih il rapporte de l'Athram comme quoi Omar radiallahu anhu il levait les mains à chaque takbir dans le janaza et à l'Eid. Il levait les mains à chaque takbir dans le janaza et à l'Eid. Et c'est rapporté aussi de Zayd. Vous me direz pourquoi tu ne le rapportes pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est rapporté de Omar ibn al-Khattab, nasta'nisu bihi, et on suit la sunna de l'Khulafa al-Rashidin. Iza nasiya takbir hatta raka'a saqata liannahu sunna. Si jamais la personne il oublie, admettons à lui-même, il oublie ses 5 takbir et qu'il fait le recours, c'est pas grave, il n'est pas à les rattraper parce que ces takbir ils sont sunnah, ils ne sont pas obligatoires. Tout ça c'est résumé de l'Mubdi' Sharh al-Muqni' parmi les livres dans le madhhab de l'imam Ahmed. إذا أدرك الإمام راكعة أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير ملخصا من المبدع. Si jamais la personne il arrive en retard et il trouve l'imam en train de faire un recours, il fait le recours avec lui et il ne se préoccupe pas des takbir. Comme on l'a dit, ces takbir ils sont sunnah. La masala suivante, wa yuhmidu Allah wa yuthna alayhi wa salli ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bayna kulli takbiratayn, rawahu al-Athram an ibn Mas'ud wa bi Musa wa Hudhayfa. Entre chaque takbir il dit alhamdulillah, subhanallah, il loue Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur le prophète, et cela est rapporté d'Ibn Mas'ud, d'Abu Musa et de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Thumma yaqra al-Fatiha wa suratan yajharu fiha bil qira'a. Ensuite l'imam il lit al-Fatiha et une sura et il dit à voix haute. في المسند مسند الإمام أحمد عن النعمان بن مشير الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية. المسند rapporte النعمان بن مشير comme quoi il faut lire سورة الأعلى dans la première ركعة et سورة الغاشية dans la deuxième ركعة. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. Et lorsqu'il fait le salam de la salat, il fait deux khutbas. Comme c'est rapporté de Ubaydullah ibn Utba, قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس أخرجه البيهقي. Ubayd ibn Utba il dit la sunna, c'est donc un tabi'i, il dit la sunna, ou un sahabi, pardon, il dit la sunna, c'est que l'imam il fasse une khutba lors des deux Eid, qu'il fasse deux khutbas et qu'il s'assoit entre les deux comme le Jumu'ah. فإن كان فطرا حثهم فيها على الصدقة وبني لهم ما يخرجون. Si jamais c'est Eid al-Fitr, il leur parle de la sadaqa et il leur explique qu'il faut qu'ils fassent sadaqa le jour de l'Eid et il leur explique ce qui doit sortir en sadaqa. Wa in kana adha raghabahum fil udhiya. Et si c'est le jour des sacrifices comme demain, il les incite à sacrifier. Pas comme dans les mosquées du Tarout en France où ils leur disent la préfecture elle a dit qu'il fallait le faire à comment ça s'appelle à la truc. Cette année vous pourrez pas sacrifier parce que le Tarout il vous a dit qu'il fallait pas sacrifier. Tabban lahum wa tabban lakum idha ata'tum. Malheur à celui qui les obéit ou quoi que ce soit. Sacrifiez, désobéissez aux Tawarid, prenez des risques, priez pas derrière ces imams de Tawarid, faites vos prières chez vous avec vos frères, et sacrifiez, désobéissez aux lois du Tawarid, et ainsi vous aurez deux ajr, le ajr du sacrifice, et le ajr du kufr du Tawarid, wallahu al-musta'an. Wa la tanaffalu qabla salat al-Eid, wa la ba'daha fi mawdi'iha. Et il ne fait pas de salat nawafil avant la salat de l'Eid, ni après la salat de l'Eid, ça n'est pas sunnah. S'il veut rentrer chez lui et faire de nawafil, c'est une chose, mais en tout cas, il ne le fait pas juste après salat al-Eid, ça n'est pas sunna. Wa man adraka al-imam qabla salami atammaha ala sifatiha. Ibn Qudama il dit, celui qui arrive en retard et qui trouve le imam en train de faire le salam, pardon, qui rentre avec l'imam, c'est-à-dire il a fait un peu de la salat avec l'imam, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que l'imam fait le salam, il rattrape de la salat comme la salat de l'imam. C'est-à-dire la première raka'a 7 takbira et la deuxième raka'a 5 takbira. J'espère que je me suis fait comprendre. Wa in fatahu fala qada'a alayhi. Là, il y a deux avis. L'avis de Ibn Qudama d'Amd al-Fiqh, c'est que celui qui l'a raté, il ne la rattrape pas. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que lui, il considère qu'elle est fard kifaya. Mais si on dit qu'elle est fard ayn, comme c'est l'avis qui a été choisi par Shawkani et que ce soit, il faut la rattraper. Donc la personne qui l'a raté, qui arrive en retard, il rentre chez lui et il la rattrape. Ici, il y a divergence. Il est rapporté de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, comme quoi il l'a rattrapé de la manière dont elle est priée à la mosquée. C'est-à-dire 2 raka'a, 7 takbir à la première, 5 à la deuxième. Et il est recommandé de faire le takbir dans les deux nuits de l'Eid. C'est-à-dire la nuit, comme vous le savez, elle précède le jour. C'est-à-dire cette nuit-là, pour le Eid de demain, il faut dire beaucoup Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Le takbir muqayyad, ils ont dit les ulama, il est depuis la salat al-subh du jour de Arafah, de salat al-subh du jour de Arafah jusqu'à l'asr des derniers jours de tashriq, jusqu'à l'asr dernier jour de tashriq, c'est-à-dire aujourd'hui à partir de aujourd'hui de l'fajr jusqu'à demain, après demain, après après demain, après après demain, on s'est compris. Trois jours après l'Eid, c'est rapporté de Ali, de Omar, de Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, ce qui fait dire à l'imam Ahmed, wa huwa ijma'a, c'est clair qu'il y a l'ijma'a. Et la manière de faire le takbir, comme c'est rapporté de Ali et de Ibn Mas'ud, comme quoi il faisait le takbir en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, wa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat.